Alistair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'Arcus 95 FM. Bonsoir Sylvain, bonsoir Slasher. Bonsoir, bonsoir everybody. En forme? Ouais. Ça va, il fait bon quand même, fait pas trop froid. Ça va. Voilà, le week-end s'est bien passé. Eh ben écoute, j'ai passé un excellent week-end. Voilà, bah c'est bien. Slasher, un week-end s'est bien passé aussi? Oui, oui, ça va. Voilà, impeccable. Alors, au programme de cette émission, quand même, ben, on aura beaucoup de nouveautés. Et aussi vers 20h30, on aura Charlie Faber de Grand Média Blackout qui nous appellera pour une interview. Donc voilà, le programme de cette émission, bien entendu beaucoup de nouveautés tout au long de ces 2 heures d'émission. Voilà. On peut dire de cette soirée. On va dire de cette soirée, voilà. On va commencer tout de suite avec les Black Doom avec. Haters, l'album s'appelle The Chaos Suite. Il y a été leur premier album, je sais pas, j'en sais rien. Sûrement, je vais creuser. C'est pas mal du tout, c'est bien, c'est pas mal. On retrouvera bien entendu aussi la Slasher Song, la Sylval Song. Donc tout un programme pendant ces 2 heures. Et allez. T'oublies pas de dire un truc. Quoi? Juste avant, t'oublies pas de dire quelque chose d'important. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est quoi? Sainte Cécile, c'est la fête des musicos. Bonne fête à tout musical. Mais nous ne sommes pas avec des bambins. Nous ne sommes pas les musicos, nous jouons la musique. Nous, enfin, ouais, nous mais on passe la musique. Il y a plein de musicos qui nous écoutent. Ouais. À mon avis, ils vont être pétés. Ils vont fêter ça à leur façon. Déjà, il y a nos amis de Dracar qui nous écoutent. Tout, voilà. On peut leur dire bonne fête. Il y a Cédric. Pourquoi Sainte Cécile? Je ne sais pas, moi. Est-ce que Cécile... On peut dire Sainte... Ouais. Sainte Motley Crue, Sainte aussi. Non, mais Cécile, pourquoi Cécile? Slasher, voilà, quand tu es sur l'ordinateur, pourquoi Sainte Cécile? Voilà, petit travail. Toi aussi, tu as un ordinateur. Oui, voilà. Allez, bonne fête à tous les saints. Moi j'aime bien les pères, ça va toujours par pair moi enfin. Allez, bonne fête aux Cécile et merci de l'avoir rappelé. Oui, hein. Oui. Mais tu vois, j'étais un peu perturbé parce que le slasher qui fait de la musique, il fait de la Sainte Cécile mais mercredi. Ouais. Donc maman, c'est une grande chanteuse. Alors, elle fait la Sainte Cécile ce soir. Bien sûr, on va pas regarder un concert de Metallica ou de Rammstein, on va regarder Mary Poppins. Voilà, ça va te changer. Allez, Black Doom, c'est tout de suite, c'est maintenant. Silent metal armor with wheels. The whole world. Et ben, c'est pas mal du tout, hein, ça quand même. Black Doom. Black Doom, c'est pas mal. Et le titre c'est Chaos. Enfin, le titre de l'album c'est Chaos Suite, donc on va creuser. Donc eux on creuse aussi pour la Sainte-Cécile. Hein, la Sainte-Cécile. Ah, attends, j'ai pas encore. Moi, ouais, maintenant on regardera après. Il est petit non. à mon ordinateur. Ouais, ouais. Il est fatigué du week-end aussi. Ah, voilà. Donc, on continue cette programmation avec M.E.O. qui nous a envoyé des albums et on va s'écouter Antalgia. L'album s'appelle Twisted. C'est pas Twisted Sisters, Twisted Dreams of Dark Command. Et on va s'écouter The Valley of Broken Dream. On se retrouve tout de suite après les petits loulous. Eh ben, c'est pas mal, ça s'appelle Antalgia, The Valley of Broken Dream, c'est chez MMO, hein. Et je peux déjà vous dire, cet album fait partie de la liste des gagnants pour la fameuse hôte du Père Noël. Il est dedans, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah, bah, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Hein, bon. Ah, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ça change un peu des voix féminines. Mais ce que j'aime bien, c'est pas les emballer. Voilà, ça j'aime bien. Alors, le prochain, bah, je te le laisse. Bah, voilà, hein. En parlant de voix féminine, nous revoilà partis dans After Chaos. Ouais. Donc l'album, c'est Rockstar. Tout à fait. Et le titre, c'est Bunda. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Okay. Et je crois que, franchement, c'est bien. Ouais. On devrait avoir plus de nanas côté féminine, comme ça, enchantée. Donc, quoi. Notre chanteuse, elle a un joli prénom, plus Irma. Ça me fait toujours penser aux voyantes, tu sais, Irma. Irma. Dis-moi un peu ton avenir. Je vais te prédire, Slasher, que tu seras plus con l'année prochaine que cette année. Voilà, c'est Irma qui l'a dit. Non, mais c'est bien. Et Rockstar, ça me fait penser franchement à un truc qu'on a adoré. Hein. Tu sais le film là qu'on parle toujours, la Rockstar. C'est vrai que c'est un beau film. Hein. Moi j'avais bien aimé. Ce qu'on devrait peut-être faire aussi une fois, parce que je sais bien que tu es fan, toi, Sylval, tu es fan aussi de certains concerts que tu as en DVD, en Blu-ray. C'est peut-être une fois faire peut-être inclure peut-être une petite chronique dans la séquence. Dans l'émission, de parler un petit peu d'un concert, ton coup de cœur que tu as vu et que tu pourrais conseiller à acheter. Par exemple, moi je sais bien, mon petit doigt me dit que le dernier concert que tu as acheté, c'est. Bon, on va pas le dire, comme ça tu pourras peut-être le présenter la semaine prochaine. Voilà. Et peut-être même parler de films aussi qui parlent de métal, où on retrouve aussi peut-être de. Parce que j'ai remarqué, il y a quand même beaucoup de films où on a beaucoup de métal. On en parlait, vous parliez par exemple la fois dernière de Rammstein qui est dans Triple X. Ouais, voilà. Voilà. Oui, la chanson Firefly, vu que le réalisateur était fan de Rammstein. Ah, je croyais que tu parlais fan. Non, c'est pas la femme. Non, t'as pas compris. Et donc, du coup, il a décidé d'inclure Rammstein dans son film Triple X avec Vin Diesel. Voilà. Comme là, par exemple, on parlait de films, de séries. Il y a une série télé qui passe avec Marilyn Manson. Il y a, par exemple, les gens qui regardent tous Walking Dead, on est nombreux à le regarder. Sauf moi. Sauf toi. Je connais pas du tout la série. Ah, pas du tout. Ça fait rien. Tu. Il y a un Bad Boys qui joue là-dedans que j'aime bien. Ça, je le sais. Ah, bah ça, oui. Non, mais le vrai Bad Boys, c'est. Darryl. Ouais, voilà. De trucs. Lui, il est. Norman Reedus. Mais je veux dire, il y avait par exemple le fameux Negan que tout le monde fait polémique. On va juste après, on va continuer musicalement. Et ben normalement, c'était Henry Rollins qui devait prendre le rôle de Negan. Et Henry Rollins est un chanteur aussi, un chanteur de métal, quoi. Et il avait vraiment le look et la gueule pour jouer ce rôle. Parce qu'en plus, quand on voit la BD, il avait vraiment la même gueule, quoi. Et bon, il n'a pas été pris, mais voilà. Bon, enfin. Donc, je te laisse annoncer ton titre. Alors, voilà. Donc, c'est After Chaos avec l'album Rockstar. Et le titre, c'est, je te laisse... Bunda. bien voilà, c'était donc le groupe After Chaos, mmh, avec l'album Rockstar et le titre Bunda. Bunda. Voilà. Bien, hein. C'est bien. Bien. Ah, c'est très ça change bien un peu. Ouais. Et je trouve que il faut pas oublier que musicalement aussi et vocalement, ben les nanas aussi, elles sont capables de faire autre chose que de toujours des lyriques en envolée. Ouais, voilà. Et ça plaît aussi. Mmh. Oui, ça voilà plaît. Hein. Ouais. Bah tout plaît. Tout plaît. C'est toujours une histoire de goût et de couleur. Voilà. Alors tu es allé voir pour la Sainte-Cécile et ben voilà. C'est la Sainte-Cécile. Donc Sainte-Cécile, patronne des musicos, pourquoi ? Voilà. Voilà. Si quelqu'un peut, allez, on va être gentil. Allez, franchement, si quelqu'un peut nous apporter la réponse, eh ben on lui offre un CD. Oui, voilà. Un CD un CD qu'on lui offrira. Donc wow, vous pouvez répondre sur la page rivedenfer.rqc@gmail.com ou alors sur la page Rive d'Enfer. Par Facebook ou n'importe Facebook, quoi. Voilà. Et peut-être aussi par le Twitter. Voilà, et par le donc Twitter. C'est Rive d'Enfer 59. Enfin, @Rive d'Enfer 59. Voilà. Alors, vas-y, slasher, c'est à toi. Slash-toi. Oui, je vais bien me slasher. Donc, alors, c'est un groupe qui nous vient de Pologne. Donc, plus précisément de Biala Podlska. Donc, désolé pour mon accent, je ne suis pas polonais. Donc, c'est un groupe qui a été formé le 10 octobre 1992, c'est précis. Hein. Donc, c'est du bon power metal. Donc, dans les membres, il y a Doman à la basse, au chant, Powell Kowalski à la guitare, Maurice Gzamorski à la guitare, Odruz Dunmak au clavier, Marzin Zulmo à la batterie. Donc en fait c'est le groupe Gutter Sirens. Et donc là ils ont sorti leur nouvel album Phantom Pains, que j'ai d'ailleurs reçu et fait une petite vidéo sur leur album. Et donc là on va s'écouter le titre que vous pouvez aller voir au Coin Metal, le Coin Metal officiel sur YouTube, Twitter et Facebook. Donc le titre c'est Picture. Voilà, donc on va s'écouter ta slasher song alors. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le Coin Metal. Oui. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Alors voilà, donc Slasher c'était ? Donc c'était Gutter Sirens avec le titre Picture. Voilà. Bah, bon petit choix quand même. Ouais, c'est un bon groupe. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Moi qui n'aime pas le power metal, mm-hmm. bah écoute ça, j'aime bien. Ouais. Et ils viennent d'où ? De Pologne. De Polska. Bah, c'est Pologne. Bien, vous étudiez bien votre leçon, c'est bien les amis. Voilà, le prochain, bah, je vais le passer un extrait maintenant de Grand Média Blackout. Normalement, ils doivent appeler d'ici quelques minutes. L'interview avec Charlie Faber, qui est le guitariste du groupe, oui, qui va nous exact. Appeler d'ici quelques minutes. Donc, on va s'écouter un extrait qui s'appelle Never Came Back Home. Ça aussi, ça va être votre petit coup de cœur, d'accord. J'en suis sûr. Eh ben c'est pas mal du tout, hein. Ben, ça s'appelle tout simplement Grand Média Blackout avec Never Came Back Home. Et là, la grande surprise, c'est la magie du direct. On va faire allô. Allô. Voilà, et comme par hasard, ben, on retrouve Charlie au bout du fil. Bonsoir Charlie. Bonsoir Charlie. Bonsoir. En forme. Bah, super, très bien. Voilà. On a commencé la tournée, donc super bien. Voilà, donc c'est Charlie Faber qui est guitariste, bien entendu, du groupe Grand Média Blackout. C'est ça. Voilà. On vient de s'écouter un extrait comme ça, justement, parce que je savais très bien que tu allais appeler à 8h30. Hein, et on remercie aussi Roger Vézier qui nous a donné le finon, hein, et nous a envoyé cet album qui est super, d'ailleurs. Très rock'n'roll, hein, j'ai l'impression. Oui. C'est rock, ouais, absolument. Ouais. On a essayé avec une certaine finesse, quoi, en tout cas, mais ouais, il y a plusieurs influences. Ce qui ressort le plus, c'est le rock, mais voilà, disons qu'il y a un mélange d'influences des membres du groupe, quoi. Il y a des couleurs un peu blues, world, un peu tout ça, mais voilà, c'est principalement rock, ouais, très rock même. Mm-hmm. Ma première question, parce que pour un peu orienter un peu les auditeurs, parce que nous, on est franco-belge, hein. Mm-hmm. Donc vous êtes d'origine d'où ? Alors, je suis originaire de la Marne. Oui. J'habite maintenant en Alsace. Les autres membres du groupe sont de la Marne aussi, à part le chanteur qui est un peu plus loin puisqu'il est de Rio. Ah oui. Ben, voilà. C'est un peu plus loin. Ben oui, mais c'est Gus Mosato qui a joué avec Adagio. C'est ça, absolument. Absolument. Voilà. Ben, heureusement, on peut dire comme ça que on a quand même maintenant, en 2016, le web pour travailler les compositions. Ouais, bah, en fait, les morceaux étaient principalement écrits quand j'ai commencé à monter ce groupe. L'histoire avec Gus, c'est assez incroyable parce que je cherchais un chanteur. Justement, il fallait un chanteur de la trempe de Gus. Et j'ai essayé vraiment un paquet de mecs en France. Je trouvais pas ce que j'avais en tête. Il y avait plein de super chanteurs. Mmh. Et voilà, j'avais vraiment quelque chose de particulier en tête pour la couleur et tout ça. Du son que ça devait donner, quoi. Et ensuite, j'ai essayé en Angleterre, parce que je connaissais pas mal de monde là-bas. Et finalement, c'est grâce à Facebook et à une fille qui s'appelle Adriana Charini, que ni Gus ni moi connaissons vraiment. En fait, c'est une fille qui est médecin au Brésil. Et elle a fait ses études en France. Donc, elle a vu Gus en concert au Brésil et elle m'a vu moi en concert en France. Mais voilà, ni lui ni moi ne l'avons rencontré. Et un jour, j'ai mis un message sur Facebook en disant que je recherchais un chanteur. Et elle a mentionné Gus dans un commentaire. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact. Voilà. Ben c'est bien. En plus de ça, tu nous as fait un peu l'historique, un peu du groupe. C'est génial. Ouais, ça, c'est super. Voilà, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que je trouve ça réfléchissant. Ah ben oui. Il y avait une chance sur un million pour qu'on se rencontre. Et voilà, maintenant, on bosse ensemble depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment super, quoi. Oui. Et justement, pourquoi ce nom de groupe Grand Média Blackout plutôt? Alors, en fait, il y a plusieurs sens à ça. Déjà, ça parle des... le nom, la traduction pure, c'est le blackout des médias de masse. C'est de ça qu'on parle. En fait, il y a deux sens à ça. Le premier, c'est par rapport à la musique qu'on fait, parce qu'on n'est pas une musique... Enfin, on fait pas une musique qui est extrêmement médiatisée. Oui. Parce que voilà, c'est pas très comment dire, pas très populaire, enfin pas pour le grand public, quoi, en tout cas. Et dans l'autre sens, il y a des textes qui traitent de choses qui sont quand même plus sérieuses que ça, comme un morceau qui s'appelle Faith sur l'album, qui parle de l'état d'urgence de la planète, etc. Et c'est des choses dont, d'après moi, des choses qu'on sait depuis longtemps. Je parle du réchauffement climatique, entre autres. Et dont on parle pas assez, et encore aujourd'hui on n'en parle pas assez parce que les choses sont extrêmement avancées, extrêmement graves, et puis on en parle comme si c'était un problème un peu collatéral, quoi. Et donc justement, donc vous avez pris le titre aussi éponyme du groupe, donc Grand Média Blackout pour le titre de l'album, nom de l'album. Est-ce que on peut dire que c'est un album concept, et si oui, il y a un fil conducteur? À part, bon, si j'ai bien compris, on peut parler des médias en général. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur sur l'album. C'est vraiment varié. Ça parle. Les sujets sont assez vastes. Hein. Mm-hmm. Ça parle autant d'addiction d'une manière générale. Ça parle de foi. Ça parle de la religion. Mm-hmm. Ça parle. Il y a des histoires d'amour. C'est vraiment très varié. Je dirais pas qu'il y a un fil conducteur. C'est pas un album concept, en tout cas. D'accord. Voilà, sur un album qui est quand même composé de 10 titres, hein, vous avez fait deux parties, partie 1, partie 2, pour The Black Flask. Pourquoi pas avoir réuni ces deux titres en un seul? À la base, ils étaient réunis. Et en fait, à force de le jouer, l'intro qui est à la base... durer quelque chose comme 10 secondes, c'est mis à durer une minute et demie ou deux minutes. Si c'est pas 3 minutes, je sais même plus, sur l'album. Et tout ça, donc, en instrumental. Et je trouvais dommage de devoir attendre, entre guillemets, 3 minutes pour avoir le début du morceau, qui est quand même un peu autre chose. Donc, on a décidé de séparer ces deux parties-là, qui s'enchaînent sur l'album quand même. Et y a pas de, d'ailleurs, il n'y a pas de vide, hein, entre ces deux pistes sur l'album, pour que les gens puissent aller directement à la partie chantée, quoi. Mais, vous avez un peu traîné un peu partout musicalement. Quelle expérience retires-tu justement d'avoir pu jouer un peu à gauche, à droite, tes plus belles expériences de la scène? Oh, là, 2 heures d'émission sera pas assez. je crois que j'ai vraiment appris des choses super et différentes à chaque fois parce que, déjà, moi, j'ai eu la chance de tourner avec plein d'artistes différents. Même si j'ai principalement tourné dans le blues, hein, j'ai joué pendant... Enfin, je joue encore d'ailleurs, ça fait 7 ans avec un guitariste chanteur de blues qui s'appelle Fred Châtelier, qui est le guitariste de Jacques Dutronc, entre autres. Oui. Mais avant ça, j'ai joué dans la World des chanteurs de blues anglais et tout ça. Donc j'ai tourné beaucoup en Angleterre, mais aussi en Russie, en Hongrie, aux États-Unis, etc. Et à chaque fois, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, découvrir des cultures, des choses que je connais pas, en fait, j'adore ça. Et donc, au-delà de la musique, y a tout un contexte à chaque fois autour de chaque tournée qui fait que c'est vraiment quelque chose de spécial. Et aussi, la façon dont le public reçoit la musique n'est pas la même, quoi. Par exemple, c'est vrai que quand on joue en France du rock ou du blues, c'est quand même beaucoup moins la culture qu'en Angleterre. Tout à fait. Ça marche bien aussi, mais la moyenne d'âge, par exemple, n'est pas la même. Et ça fait une grosse différence. Et c'est vrai que si en France, on arrête un gamin de 17 ans en lui demandant qui est Eric Clapton, on a quand même on a de la chance s'il sait qui c'est, quoi. Alors qu'en Angleterre, tu peux arrêter n'importe quel gamin de 17 ans, il sait qui c'est, quoi. Oui, en France, il pourra te dire peut-être que c'est le guitariste de Black M, mais bon, je dis rien. Hein. Même moi, je ne le sais pas, c'est pour dire. Justement, là, on va un peu venir à l'artwork parce que j'ai le petit slasher qui est un co-animateur chez nous quand même. Hein. Il regardait la pochette et il me dit en regardant la pochette, on voit l'aigle américain qui est représenté. Et il me dit, mais tu sais, mais vas-y, je vais te laisser poser la question. Vas-y, allez, vas-y, pose la question. Je fais son timide. Il y avait sur la veste un symbole américain. Illuminati dessus, donc je vois pas pourquoi il y a ce symbole. Ah, bien vu. Alors il est pas que là, il est aussi derrière. Oui, sur le mur et sur l'épaule. Alors en fait, c'est directement lié au nom du groupe. C'est le symbole Illuminati. Je sais pas si tu connais le concept des Illuminati, en fait. Oui. C'est dans la théorie du complot, etc. Mais voilà, si jamais il y a des gens qui écoutent qui ne connaissent pas les Illuminati, dans l'idée, c'est une société secrète qui est censée contrôler le monde de manière couverte. Et voilà, quoi. Et, en fait, ce nom, Grand Media Blackout, fait en partie aussi référence à ça. Ça marche aussi avec ça. Parce que cette théorie du complot, la société Illuminati contrôlerait aussi une grande partie des médias de masse, quoi. D'accord. Ben voilà, il a répondu à ta question. Oui. C'est parce que si tu veux, il fait une chronique aussi vidéo et il savait pas s'il pouvait parler aussi de ça. Mais apparemment, tu peux. Voilà quoi. Aucun problème. quel est, je vais demander à Valérie si elle a peut-être une question à te poser éventuellement, quoi. Bah écoute, moi la question, j'aimerais bien revenir sur le point, c'est le chanteur qui habite à Rio. Donc il vit à Rio, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc comment vous faites les répètes? Les quoi? Les répétitions. Comment vous faites? Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Non, en fait, quand on fait une tournée, du coup, on groupe les dates, hein, forcément. Mm-hmm. C'est vraiment des tournées, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une date un samedi et puis le dimanche d'après. Donc on les enchaîne, voilà, sur une période fixe. Et il y en a, par exemple, il est arrivé en France, ce matin. D'accord. Et voilà, on va faire 3 jours de répète avant d'attaquer la tournée, quoi. Ok. Ouais. Donc il y a un sacré niveau. Hein. S'il faut que 3 jours, c'est clair et net qu'il a un excellent niveau, le gars. tous ces titres, quel a été le plus dur à écrire? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que... Alors, en fait, quand on a fait l'album, comme je disais, quasiment tous les titres étaient faits. Celui qui a été, en tout cas, je sais pas si c'est plus dur, mais en tout cas qui a été particulier, c'est le dernier morceau qui s'appelle Holy Grail. En fait, c'est un morceau, quand on est entré en studio, on n'avait pas le texte de ce morceau. D'accord. Et en fait, voilà, le texte a été fait parce qu'on avait plein d'idées, ça s'est parfillé un peu dans tous les sens. Donc quand je dis on, c'est, je parle de Gus et moi. Hein. Mm-hmm. Et au final, voilà, le texte, il a été écrit 10 minutes avant que le morceau soit enregistré sur le sur la table de mixage, quoi. Waouh. Voilà. C'est bien. c'est venu comme une évidence, quoi. Des fois, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des morceaux sur lesquels on peut creuser pendant des jours, même des mois. Hein, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et des fois, même, on finit par laisser tomber. Et puis, un jour, on retombe dessus des années plus tard. Et puis là, le truc paraît évident, l'inspiration là. Et pour ce morceau-là, c'était beaucoup plus court que ça. Mais c'était un peu cette idée-là quand même. Parce que on avait la musique, on avait l'esprit. On savait pas exactement de quoi on voulait parler, mais on savait comment on voulait en parler, quoi, en tout cas. Et voilà, c'était vraiment à la fin de l'enregistrement de l'album, on était tous crevés. Gus d'autant plus avec l'avion, le jet lag et tout ça. Et puis il y avait une sorte d'ambiance dans le studio où tout était plus calme, les lumières étaient tamisées. La moitié du groupe s'était endormi avec les ingé-sons, parce que tout le monde était mort. Et puis voilà, quoi, j'ai pris une feuille, un crayon, et puis le texte était là en 10 minutes, quoi. Oui. Justement, on va rappeler que l'album sort le 24 novembre. Hein. C'est ça, donc vous êtes déjà sur les routes En fait, on fait la première date justement. Normalement, on devait jouer le 24, c'est une annulation de dernière minute. On commence donc le 25. Le 25 Avec François, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez des dates prévues Dans notre secteur. Dans notre secteur, oui. C'est-à-dire le nord de la France ou. On va dire en Belgique. Malheureusement pas sur cette tournée, mais on prévoit déjà des choses pour l'année prochaine dans le Nord, en tout cas. Et en Belgique, on aimerait bien aussi, mais on va essayer de s'en rapprocher, en tout cas. Ça me plairait beaucoup de venir jouer en Belgique. Ouais. Oui. Déjà avec cet album que moi je trouve excellent, hein, je l'ai écouté, on a un peu de l'impression de plonger dans les années 70, comme tu disais, hein, 70 jusqu'aux années 80, hein, avec des bons sons. Est-ce que vous avez déjà pu aborder éventuellement certains festivals? Ouais, en fait, le groupe a été vraiment dévoilé que très récemment. Quand je dis dévoilé, c'est que jusque-là, on n'avait absolument rien mis sur Internet, par choix. Mm-hmm. Et en fait, depuis que ça fait peut-être un mois et demi, maintenant, on a mis la vidéo de notre premier clip en ligne et des extraits de l'album. Et sur le clip, ça a extrêmement bien marché. Là, on doit en être à plus de 110 000 vues. Mmh. Et je ne sais combien de milliers de partages et des centaines de commentaires. Et du coup, en fait, on a été approché par des festivals déjà pour l'année prochaine. Et on est en contact avec des festivals, dont un très grand festival de rock. Mais bon, je ne citerai pas de nom et tout ça, donc rien n'est fait. Mais ouais, on a beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Voilà, je vais pas trop prendre de ton temps, hein. Je vais juste te demander quel est ton plus beau souvenir de scène. Mon plus beau souvenir, quand je commençais la musique et tout ça, j'avais 14 ans, 15 ans, j'avais deux idoles dans le blues. Qui faisait du blues en français, c'était justement près de Chapelier, dont je parlais tout à l'heure, et Bill Doerem, qui est un chanteur de blues relativement connu en France, qui était surtout connu dans les années 70, mais ouais, qui continue à jouer encore. Et j'ai eu la chance donc d'être engagé comme guitariste par Fred Chapelier 8 ans après ça. Mmh. Et on a fait un concert au New Morning avec justement Bill Doerem en guest. Donc j'ai eu la chance de faire un concert, d'être sur scène avec deux de mes idoles, ce qui était un moment incroyable. Bah oui, je peux comprendre. En plus, au New Morning, c'est pas mal. Et ton plus mauvais souvenir? Comme ça, on saura le bon et le mauvais, comme ça. Mauvais souvenir... Alors je ne sais pas si c'est vraiment un mauvais souvenir avec le recul, mais c'est... En tout cas, disons que ça m'a remis les pieds sur terre très rapidement. Mais, j'ai fait ma première tournée pro quand j'avais 17 ans, en Russie. Et j'avais la chance là-haut de jouer avec un chanteur qui est plutôt connu là-bas. On faisait des scènes vraiment conséquentes, quoi. Des scènes devant 25 000 personnes, etc. Il avait des fans qui nous arrêtaient dans la rue pour faire des autographes et tout ça. Et c'était une tournée qui a duré 3 semaines. Et c'était donc une vie de folie pendant 3 semaines. Et je suis rentré chez moi, à Vitry-le-François pour être précis, et j'avais un concert dans un petit bar deux jours après. Et je me rappellerai toujours de ce concert parce qu'il y avait une personne. Ah oui, bien, ça fait un grand changement. Et là, d'un coup, on se dit, bon, bah voilà, retour à la case départ. c'est con, mais c'est, ça, au moins, on sait qu'on existe et on se dit, ben, on revient vite terre à terre, quoi. Parce que bon, c'est ce que je dis maintenant, même aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique, faut pas espérer maintenant, à l'époque actuelle, de pouvoir en vivre de la musique, quoi, malheureusement. Ah, en vivre, c'est faisable parce que ben moi j'en vis, hein, depuis pas mal de temps. Mais ce qu'il faut pas espérer, je pense, c'est faut plus espérer devenir une rockstar. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est, ouais. C'est peut-être basé sur un coup de chance, j'oserais quand même dire. De chance par rapport au fait de devenir une éventuelle rockstar ou par rapport au fait d'en vivre? Un peu les deux. En vivre, honnêtement, je pense pas que ce soit une question de chance. Je pense que le travail suffit pour ça. Ouais, voilà. Mais rockstar contre, aussi, et d'être reconnu. En fait, voilà, ça, tout le problème est là, c'est que je vois pas un artiste de rock français qui est vraiment ultra médiatisé. Quand je dis ultra médiatisé, je pense au niveau de Matt Pokora, justement, ou de Black M, dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Et je pense pas que ça reviendra parce que il y a beaucoup de ce qu'on appelle des artistes Kleenex. Et voilà, une fois que le tube est passé, même si eux continuent dans l'ombre, ils disparaissent un peu des grands écrans et tout ça. Oui. Mais après, comme je dis souvent, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes et tout ça, à former des lycéens et tout ça pour essayer de les orienter un peu dans la musique parce qu'ils voulaient faire ça de leur vie. Je leur ai dit, et je leur dis toujours, et je me le dis aussi à moi-même tous les jours, le plus important quand on fait ce métier, déjà c'est de faire ce qu'on aime, mais surtout c'est, je pense, au-delà d'être connu, c'est d'être reconnu. Tout à fait. Voilà. Ben voilà, moi je te remercie beaucoup, on te remercie, hein, Charlie. Ça fait un plaisir, merci à vous. Je vais juste te laisser choisir ton titre que tu as envie qu'on passe de l'album, ton titre que tu aimes bien le plus, quoi. Pourquoi pas le dernier dont je parlais tout à l'heure, Holy Grail. Voilà, ok. Voilà, je te remercie et on espère vous voir très très prochainement chez nous parce que franchement, cet album me donne vraiment vraiment envie d'aller vous voir. Quoi. Et très intéressant. C'est un truc qui me revient en fait à la seconde. Je dis, on joue pas près de la Belgique, mais en fait, si, on joue à Charleville-Mézières. Oui, mais pour nous, ça fait loin parce que nous, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté de Liège, ça Non, c'est de l'autre côté des Ardennes. Du Charleville-Mézières, c'est Luxembourg et tout ça, je crois. Mais c'est tout ça. Ouais, on a un bon 200 km. Un bon 200 km. Largement. Nous, on est de l'autre côté, nous. On est près de chez les Flamands. Moucron, Courtrai, tout ça. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à vous, et c'était un plaisir, et puis à très bientôt, j'espère. Voilà, je te remercie. Ciao. Et donc, on va s'écouter, donc, Holy Grail de Grand Média Blackout. Ciao, Charlie. Au revoir, Charlie. Ciao. Holy crap! spell. Was hidden in the words you say. I know I should run away, baby, but I keep coming. Et ben voilà, hein, ben on peut dire ce qu'on veut, hein, très très bon morceau quand même, hein, de ouais. Grands médias, Blackout, on en a appris des choses. Donc je rappelle, le groupe est formé de Charlie Faber à guitare, Gus Mosato vocal côté du Brésil. Oui, oui. Tu vois, quand je te disais qu'on était écouté par les latinos, ouais. Tu voulais pas me croire. Ouais. Philippe Dandrimon à la basse et Guillaume Pichier au à la batterie. Et là, on s'écoutait Holy Grail. Voilà. Et on remercie, bien entendu, tonton Roger, Roger Réplica, des Réplicas Moments Sur. Roger. Voilà. Merci, tonton. Alors là, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter My Dear Addiction avec Winner. Oui. Et l'album s'appelle Kill the Silence. Et on se retrouve tout de suite après pour la balade crapuleuse. Là, les amis, ben ici en studio, on est en train de se positionner déjà pour savoir c'est quoi qui va être dans les affiches, dans les couloirs, dans les tuyaux. J'engage les paris, mais Monsieur Scream n'ose pas. N'ose pas. Voilà. Oh, bon. C'est que des donuts. Ouais. Bon, on verra bien déjà. On va voir déjà notre classement qu'on aura dans maintenant à peu près un mois. Déjà dans un mois. Dans un mois, ce sera le classement pratiquement de fin d'année déjà. Ça passe, wow. Ça passe, les amis. Voilà, et puis on espère avoir Rico, donc Slape et Bruno. Mais bon, dès qu'on sait quoi un peu plus sur les affiches, on vous le dira, les amis, aussi bien l'affiche du Grace Pop que de l'Alcatraz que du Hellfest. Mais bon, apparemment, il va y avoir. On a encore le temps. Mais il va y avoir du lourd, hein. Je crois qu'il y aura du lourd. Hein. Parce que cette fois-ci, l'Alcatraz, ce n'est plus deux jours, mais trois. Mais il ne fait pas une soirée ? Le vendredi. Peut-être, c'est ça, je crois, je sais pas, on verra. C'est pas un vendredi complet. Voilà. Alors, la balade crapuleuse, aujourd'hui j'ai choisi un groupe anglais. Le groupe s'appelle Dar. L'album s'appelle Secret Ground. Et on va s'écouter Every Time We Say Goodbye. Et on se retrouve tout de suite après pour un titre que Sylvain va vous présenter. Voilà. Mmh. this lonely road so far away. I count the hours turn to days. I call your name, you say hello. And you tell me things we only know. And you whisper softly, don't let go. And when I hurt, you ease my pain. And every time we say goodbye, you're still with me by my side, like the stars above, so high, so high. And every time we say goodbye, and when these days are hard to bear, I close my eyes and you are there. You take my dance again. You're on my mind, you're in my dreams. Down every road, cross every stream. And I'm so proud to be your friend. Voilà Dar avec Every Time We Say Goodbye. L'album s'appelle Sacred Ground. C'était la balade crapuleuse de ce lundi. Voilà. Oui. On poursuit, non pas avec une balade, mais. Avec Six IAM. Ah! Alors, Six IAM sont à leur troisième album. Alors maintenant, c'est l'album qui précède Prayer of the Danned, et pas Danette. Je regarde mon slasher. Uh-huh. Donc maintenant, c'est Prayer of the Blessed, donc qui est la suite de Prayer of the Danned. Donc là, on va nous jouer le titre Barbarian. Donc je fais un petit rappel vite fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais quand même pas exagérer, qui savent pas que Six IAM, c'est le groupe de Nikki Sixx de Motley Crue. Donc Six IAM est composé fatalement de Nikki Sixx à la basse. Au chant, c'est James Michael. Et à la guitare, c'est notre fameux Darren Jai Ashba, qui est ancien guitariste de chez Guns N' Roses. Oui. Donc on appelle simplement son petit surnom DJ Ashba, qui n'est pas du tout DJ, je le répète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il pourrait peut-être avec une guitare. Bah, c'est possible, oui, hein, regarde, Tommy Lee est bien parti DJ, ouais. Et Sean Kirin, guitariste de chez Ministry, est bien DJ, mm-hmm. Disque jockey. Attention que Tommy Lee, c'est vôtre, et en tant que DJ, moi j'aimais pas personnellement ce qu'il faisait, hein, perso. C'est techno. Hein. Ouais, c'est, j'aimais pas du tout, hein, ouais. J'ai l'album, wow, il est dur, hein. Ouais. Il faut aimer. Hein. Ouais. Donc voilà, donc ils sont à leur troisième album. Et bah moi je suis un peu déçu quand même, pas de leur musique, mais deuxième album, toujours pas de tournée, hein, les enfants. Bah, tu veux dire tournée seul, concert seul, quoi. Solo. Parce qu'ils ont quand même fait, ils ont écumé toutes les festivals. Alors ils ont les fait festivals. Des concerts solo dans tous les États-Unis, je veux dire, mm-hmm. Mais et l'Europe. À mon avis, encore une fois, c'est bon, quoi dire. Ils tournent en festival. Ouais, ils tournent en festival. Voilà, l'argent appelle l'argent. Peut-être qu'ils ont peut-être fait un sondage. Est-ce qu'ils rempliraient des salles? C'est toujours ça. C'est le nerf de la guerre. Hein, c'est. Oh, je pense quand même qu'ils rempliraient parce que bon, Nikki Sixx a énormément de succès. Hein, oui. Tout le monde le sait. Et bah, Darren Jay aussi. Hein. Ou alors c'est un promoteur. Les promoteurs ont peur de prendre le risque de dire bah, on je fait venir. Je ne sais pas, je suis estomaqué là parce qu'ils sont quand même à leur troisième album. Hein. Ouais. Moi j'aurais espéré quand même une tournée solo sur trois albums de à temps. À suivre peut-être. Peut-être avec celui-là. Hein, je sais rien. Écoute. Peut-être avec celui-là. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent bah alors. Ouais. Surtout qu'ils viennent faire des conférences de presse, ainsi de suite, sur Paris. Donc on a toujours un espoir de les rencontrer, quoi. Mmh. Enfin, de les rencontrer, de les voir, Sur scène. Sur scène. Ouais. À mon avis, c'est soit le coup des promoteurs qui n'osent pas prendre le risque de dire bah, « Venez jouer, est-ce qu'on va jouer à guichet fermé ?» Même une première partie, je vais dire. Ouais. Mais est-ce que maintenant, eux, veulent bien faire une première partie rien, c'est ça aussi. Parce que aussi, c'est au bon vouloir de. Imagine-toi, bon, Nikki Sixx qui a quand même une grosse notoriété. Mmh. DJ DJ Ashba aussi, ex Guns N' Roses. Dire, ben voilà, tu vas faire. Je prends un exemple, attention, c'est la première partie de Saxon. Saxon, ou même la première partie, par exemple, d'Inglorious, qui est fort populaire, qui a bien tourné pour le moment. Est-ce qu'eux vont se dire, ben, oh, moi ici, c'est Nikki Sixx, moi, c'est DJ Ashba, on va pas faire la première partie de. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours tout un peu délicat. On sait pas. On va un peu creuser ce genre ouais, de choses. On va creuser. Je téléphone à Nikki Sixx ce soir. Voilà. Alors je te laisse annoncer. Il y a un petit problème. Et je te laisse annoncer ton titre. Donc c'est donc troisième album, Prayer of the Blessed. Voilà, je m'en sors parce que avec, il faut toujours prier avec lui. Donc maintenant c'est prier pour les blessés. Ah, c'est avec le titre Barbarians. Voilà, il est pas mal, tu verras. Ouais, j'ai pas le troisième album. Il est sorti ou quoi là déjà? Il est dans les bacs ou pas encore? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais la pochette elle est pas mal. Mais encore une fois, c'est encore une fois avec des ghouls, des. Bah oui, lui il est toujours avec ses gargouilles. Hein. C'est vrai, c'est gargouilles, des ghouls. Je sais pas. C'est un peu comme. Il me fait pas penser à Black Hill à l'ouest. On dirait peut-être qu'il a des choses à confesser. Eh oui, bah oui. Hein. Il a beaucoup de choses à confesser. Bah, je crois que les années 80, on pourrait. Ouvrir des moi, bouquins. Moi, tu connais très bien la vie de Nikki Sixx, oui. Mais je crois qu'il n'y a pas que... À mon avis, on devrait faire des bouquins sur tous les groupes des années 80. Je crois qu'on se ferait des milliards. Parce qu'ils ont des choses à confesser. Bah, déjà, quand tu lis The Dirt, bon, bah, tu comprends que... Bah oui, de toute façon, ils demandent pardon. Hein. Ouais, ouais. Mais enfin, voilà. On a tous fait des conneries dans la vie. Ouais, mais là, c'était toujours. Des grosses. Allez, c'est parti. Stand up, I am, show me what you got before you start. says you're coming back to life, and it cuts you as you're facing your fears. Do you wanna die? Are you gonna cry? Are you gonna fight back? I am. Are you gonna stop? They take it to the top. Are you fucking ready? Cause I am. It's more than. Ben voilà, voilà, Sylvain, donc c'était ? Donc c'était Six I Am, hein, donc avec Prayer of the Blessed, avec le titre Barbarian. Voilà, voilà, bon, c'était, on va dire un peu, c'est, ça pourrait peut-être être tes albums de l'année, peut-être. Ben écoute, je ne sais pas, j'ai acheté l'avant-dernier, ça j'avoue. Mm-hmm. Et ben là, certainement que je vais acheter celui-là, ouais. Parce que bon, moi je... Je suis assez fan. Hein, ah ouais, il ouais. Ah, y a pas de mort d'homme. Hein. Moi, c'est de la bonne musique. Hein, ouais, c'est de la bonne ouais. musique. Hein, c'est voilà. Mais à mon avis, moi, il y a un autre titre que j'ai écouté qui est pas mal non plus. Bon, on peut pas tout écouter ici, mais c'est vrai que je trouve qu'il s'en sort mieux que sur les derniers Motley Crue, personnellement, quoi. C'est les derniers Motley Crue. Ouais, quand ils ont fait leur dernier album Motley Crue Studio, je parle. Mm. Je trouve que cet album Six I Am tout seul, je veux dire donc Nikki Six, c'est ça. Ouais. Je trouve qu'il a plus sa place. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le même genre. Ouais, c'est pas le même genre, mais je veux dire. C'est moi je dis toujours, c'est pas encore une fois comparable entre Motley Crue et Six I Am. Mais ce que je veux dire, on voyait bien qu'à la fin ils tournaient un peu en rond, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé d'arrêter. Bah ça, oui, peut-être que ça tourne en rond. Puis bon, il y a plus d'entente du tout, comme je dis. Voilà. Hein. Bon, ils s'entendent plus avec Tommy Lee, Mick Mars. Ben, il est très malade. Ouais, il a une spondylarthrite ankylosante, pardon. Bon, il va finir en fauteuil roulant. Déjà, il sait plus se tenir droit. Mmh. Malheureusement, quoi, parce que. Ouais. Et c'était lui le plus sage. Bon, c'est sûr qu'il picolait bien, mais bon, voilà quoi, c'était voilà. Tout. C'est vrai que c'était lui le plus sympa. Mmh. Sex, drugs, rock'n'roll, hein, voilà. Ils ont tous passé par les années 80. Voilà, donc on retrouvera d'ici quelques bons quarts d'heure maintenant. Un bon quart d'heure, pas quelques bons quarts d'heure, mais un bon quart d'heure. T'as Sylvain Sang, je ne sais pas ce que c'est, ça va être comme la fois dernière. Menu, ah ouais, là c'est encore une fois... Menu découverte. Ouh. Menu découverte. Là par contre, on va s'écouter un titre. Donc du dernier album Hard We Read, To Self Destruct. Voilà. Et l'album, le titre qu'on va s'écouter, c'est Confusion. Oui. Voilà, de Metallica. Et alors Slasher, il voudrait bien vous dire quelque chose. Après. Vas-y. Allez, donc vous allez écouter le titre Confusion, et du coup ça me fait penser à un titre d'un groupe qu'on a déjà vu, Diamond Head, avec le titre I Am Evil. Voilà, donc carrément pompé, voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais... je vais vous laisser découvrir. Donc c'est un extrait du dernier album de Metallica. Et là aussi, peut-être que faire un double album, oui. Mais est-ce que ça valait vraiment faire la peine de faire un double album et peut-être faire que un seul album et peut-être plus de qualité que d'essayer de prendre des sons à gauche à droite et même des riffs et pomper quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. N'empêche, on va dire c'est un peu du réchauffé. Voilà, c'est ça. On va s'écouter le titre, après on se retrouve et je vous laisserai vous-même votre opinion. Et, par contre, ici en studio, on en discutera. Tout à fait. We'll be right back. Voilà, extrait donc de l'album Unreal to Self-Destruct. Le titre c'était Confusion de Metallica. Bah voilà, hein, ça reste du Metallica, ouais. Comme je dis, non. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais ils n'ont pas inventé l'eau chaude et c'est pas maintenant qu'ils vont l'inventer ou inventer plus de choses, quoi. Voilà, donc 8 ans pour avoir cet album. C'est vrai que ça fait plaisir aux gens qui ont entendu cet album. Il y a beaucoup de fans de Metallica. Mais bon, voilà. On est loin de... Mais ils ont de la chance, ils tournent. En Europe. Et tout en à France. Fait. Tout à fait. Donc les fans de Metallica ont de la chance. Oui, mais comme une fois, tu vois, j'aime pas trop un peu la tournure que ça prend, en disant, ben oui, nous, on sera toujours proche de nos fans et tout ça. Il faut savoir que là, ils ont décidé de faire un concert à 1700 ou 1900 euros pour pouvoir manger avec le groupe. Enfin, peut-être croiser à des membres, hein, offrir un petit cadeau et tout ça. Je crois que ce genre de choses, on devrait pas arrêter aussi, quoi, parce que... Tant ouais, mieux, parce que ça marche, il y a des gens qui payent. Ouais. Et puis mais... proche des fans, moi, c'est parce que j'ai toujours entendu, hein. Pourtant, non, mais... j'aime bien Metallica. Oui, mais maintenant, c'est... Non, mais si, mais si tu veux bon, être proche de ton groupe, tu dois payer... Il faut donner de la thune. Voilà, de la thune. Voilà, tout est payant. Voilà, maintenant. C'est ça que je trouve un peu dommage, quoi. Ils ont oublié de... que s'ils sont là où ils sont, c'est grâce à, tout... à tous les gens comme nous qui les ont soutenus. Ah, parce que Metallica a démarré très bas. Hein. Oui, et moi, je comme me rappelle... Comme tout le monde. J'ai retrouvé un vieux ticket de concert à l'époque de Metallica. Je crois que c'était 800 francs belges. Donc, je dirais... Ah ouais, il y avait les francs belges et les francs français. Je vais dire que c'était 100 francs français à l'époque. Ouais, il fallait diviser par 6. Diviser par 6 aussi, hein. Allez, je veux dire, c'était 120 francs français. Bah ouais, mais bon, Metallica, c'est... C'est Metallica. Plus... Ouais, voilà. Voilà. Par contre, Megadeth, on parle de Megadeth. Megadeth font encore des sign sessions où les groupes, où tu peux passer pour rencontrer le groupe. Bah oui, mais regarde, on va revenir encore une fois à Motley Crue. Tu vas me dire, je suis toujours avec Motley Crue. Mmh. Mais tu te souviens quand on a pris ma place en ouais. Allemagne, je t'ai demandé, regarde quand même s'il n'y a pas un VIP. Si. Tu te souviens du prix? Oui. Tu m'as affolant. Même dit, Valérie, tu vas pas mettre ce prix quand même. C'était, pas, c'était beaucoup plus cher que Metallica. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est affolant, quoi. C'est... Bah, c'était le double. Ouais. Connor, il me demande combien, moi je dis c'était le double. Ouais, c'est affolant. Voilà. Enfin, voilà. Mais si vous voulez vous procurer Metallica, vous... bon, c'est pareil. Hein. Nous, pour la collection, allez l'acheter. Hein. Allez l'acheter, voilà. Allez si l'acheter. Vous aimez bien, on va pas vous dire de pas ouais. l'acheter. Hein. Mais je veux dire, vous attendez pas quelque chose d'innovant, quoi. Voilà. Bah, celui qui aime bien Metallica, c'est comme moi, Motley Crue, il viendrait à se reformer. Bah, c'est sûr que je vais aller les voir et acheter encore le XM dernier album qu'ils vont faire. Même si c'est vulgairement parlé une grosse... Dope, voilà, on va dire dope. Voilà, mais c'est sûr que quand t'es ouais. fan, quand t'es fan, t'es fan. Mais je veux dire, vous attendez pas quelque chose de renouveau, voilà. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. C'est du Metallica, reste Metallica, quoi. Par contre, le prochain qu'on va s'écouter, c'est un groupe russe que j'avais rencontré au Hellfest, une charmante chanteuse, très sympathique, mais ça c'est marrant, je me souviens de cette interview. On a... Vas-y, Sacha. Arcona, voilà. Oui, la première interview qu'on avait fait au Hellfest, d'ailleurs. La première interview, c'était assez marrant parce qu'on devait avoir un traducteur qui traduisait, donc on devait lui parler en anglais, qui lui devait lui reparler en russe. En russe. Et elle reparlait en russe au traducteur qui lui retraduisait. C'était assez marrant. Voilà. Allez, on va s'écouter. Donc, l'album s'appelle, excusez-moi, Vorzrodzidni. I'm sorry, so sorry. Non, ça c'est Or. Titre, et c'est Chernivoroni, c'est le titre qu'on va s'écouter. Donc de elle chante en quoi alors? Je crois qu'elle chante en russe. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. Mais bon, j'essaye. J'ai pas encore fait du russe. Ah, c'est très dur. L'alphabet n'est pas le même que le voilà. nôtre. Voilà, Arkona, mais c'est pas mal et c'est une très très sympathique. Et c'est encore une chanteuse voilà, qui dit et qui fait quoi. Elle me dit quand je reviens, je te prends dans mon Facebook, ça on pourra discuter. Et c'est une personne qui a tenu sa parole. Et tu iras boire un verre avec. Peut-être un jour. Il faut peut-être. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Bon, c'est que boire un verre. Hein. Voilà. Et ben voilà, donc c'était Arkona avec Shirni Voroni, nouvel album donc de Arkona. Voilà, ben c'est pas mal aussi, ouais, ça groupe change. Russe, hein. Groupe russe, chante bien en russe. Voilà, et c'est assez marrant d'entendre comme ça une langue qui nous est pas. On est habitué avec du métal espagnol, des choses comme ça, mais en russe ou quoi, c'est pas spécial, trop, hein, c'est spécial, ouais. Voilà. Mais à mon avis, ils doivent bien s'éclater en Russie quand ils écoutent ça, quoi. Ouais, je pense. Hein. Voilà. Alors, il est l'heure de la Silval Song et c'est Avatar. Hey. Ah. Donc, Avatar, groupe suédois. Ben, Avatar, ils ont démarré dans du black metal. Tout à fait. C'est bien ça, mm-hmm. Hein, t'es d'accord avec moi. Avatar n'était pas très connu. Ouais. Faut être honnête. Oh oui. Hein, on les a connus, nous, qu'ils étaient petits. Oui. Qu'ils étaient petits et qu'ils venaient jouer pour une bouchée de pain. Exactement. Et ben maintenant, mes petits sont devenus grands. Et ça, ça s'appelle les arroser comme il faut. Ah, ouais. Et oui. Ça tourne dans le monde entier. Mmh. Et ben, j'ai choisi Avatar parce que ben il passe dans pas longtemps en Belgique. Faudrait que je reprends la date, si c'est le 30 ou le 31 novembre, c'est un mercredi, à Maasmechelen, Belgique. Mmh. Donc c'est dans une salle. Cette fois-ci, c'est plus en plein air comme on les avait vus. J'espère. Et ben écoute, j'ai envie d'aller les voir. T'as envie d'aller les revoir. Les revoir parce que c'est vrai que je les vois souvent. Mmh. Mais c'est vrai que, juste pour t'interrompre deux secondes, on les a connus quand ils venaient jouer pour 6 à 700 euros. Ben oui, écoute. Maintenant, c'est fini. Hein. Oui, parce que nous, on pouvait même les avoir pour un tarif. Hein. Très, très, très, très, très intéressant. Hein, c'est... Voilà. Et on les a... Tu m'aurais suivi pour mon anniversaire. Ouais. Voilà. Voilà. Et on les a connus que leur tourbus, c'était une petite camionnette. Ben, leur tourbus, c'était eux-mêmes qui conduisaient. Ouais. C'était une camionnette immatriculée en Suède. Et maintenant, ils tournent dans un véritable tourbus. Tourbus. Oui. Ben, ça paye, hein. Le travail paye. Oui, ben, ils le méritent, hein, parce que bon, ils ont beaucoup travaillé. Hein, ben, donc, tout à fait. C'est sûr que. Et puis bon, c'est suédois, encore une fois. Ouais. Enfin, pas tous, mais il y a pas mal de groupes qui viennent de Suède et qui montent. Qui percent. Ouais, qui percent. Quand tu penses, avant, c'était LA, les États-Unis, enfin, les États-Unis, et puis maintenant, c'est tout ce qui est nord. Nord de l'Europe. Les Vikings, comme on appelle. Nord de Vikings. Nord de Vikings. Nord de l'Europe. Voilà. Ouais, les Vikings, c'est vrai que... Voilà. Bah, si tu te souviens, quand j'avais réalisé le The Puddle, l'interview, j'avais posé la question pourquoi... Et malheureusement, bah, eux, je trouve pas qu'ils percent alors qu'ils ont tant de succès. Mais comme il me disait, nous, dans le Nord, on a la culture métal à l'école. Voilà. En maternelle, on nous apprend déjà les notions de la musique. Il fait tellement froid dans nos pays, il fait vite noir. Qu'est-ce qu'on fait ? On se réunit dans des pubs, dans des cafés, dans des garages. On joue de la musique, voilà. Tandis que ils sont un peu plus, ils ont une c'est culture vrai différente. Que eux sont beaucoup moins connus, ont beaucoup moins percé les Podols. Les caniches. Malheureusement, par rapport à Avatar, ouais. C'est pas le même genre. Hein. C'est de l'indus. C'est spécial Avatar. Hein. On aime ou on n'aime pas. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est vous écoutez pas ce que l'album. Allez les voir au moins une fois. Parce que ça dégage une atmosphère zarbi. C'est spécial, hein, spécial à voir. Parce qu'il y a tout un show, hein, faut être honnête. Ah, je suis d'accord avec toi. Et puis quand ils arrivent sur scène, ils ont une tête méchante. Hein. Faut être honnête. Hein, alors qu'ils sont, j'espère qu'ils n'ont pas tapé la grosse tête, qu'ils sont si gentils habituellement. Tout à fait. Voilà, je te laisse annoncer. Donc Avatar avec, ben j'ai choisi un titre très connu, The Apocalypse. Voilà. Donc voilà, parce que malheureusement, ben j'ai pas le dernier album. Comme je dis, je peux pas tout acheter. Ouais, voilà. Allez, c'est parti avec la Silval Song d'aujourd'hui. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Silval Song. We'll Alors voilà, donc c'était Sylvelle. Oui, donc c'était Avatar avec l'avant-dernier album, donc le titre Hell the Apocalypse. Voilà, le titre phare de l'album, je crois. Si ouais, c'était voilà, ça, c'est ça. Il me semble que c'est le titre de l'album aussi. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, déjà 2014, deux ans déjà. Ouais. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Voilà, c'était à Sylvelle Sorg. Ouais, bon, donc, bon je rappelle à notre petit public, n'est-ce pas, ou grand public. Qui seront le 30 novembre à Mashmechelen, Belgique. Donc frontière allemande aussi. Oui, pas loin d'Asselt et tout ça. Quoi. Ouais, voilà, donc pour Asselt, tous les petits fans. Mmh. Et après, bon, bah, ils passent aussi sur Paris. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que tonton Roger nous a envoyé des annonces de concert, donc ouais. Voilà. Eh bien, bon petit choix. Alors là, si je vous parle de Devilman, ça vous dit peut-être rien. L'album s'appelle The Mephisto Waltz, donc c'est les valses de Mephisto. Hitchcock Blonde, c'est le titre, mais c'est après si je vous dis que le chanteur s'appelle Danny Flint. Danny Flint, c'est tout simplement l'ancien Cradle of Filth qui a formé un nouveau groupe. Hein. Mm-hmm. Voilà, on s'essaye un peu après de tout. Et là, on va s'écouter donc Hitchcock Blonde. Je préfère ce qu'il fait là que dans Cradle of Filth, personnellement. C'est moins... Voilà, c'est mon point de vue. Mais par contre, toujours avec une atmosphère assez zarbi. Voilà, d'accord. On va s'écouter ça et puis on se retrouve. Bye. Voilà, donc c'était Devil Man avec Hitchcock Blonde. L'album s'appelle The Mephisto Waltz. C'est spécial. Hein. Moi j'aime bien. Ouais, ça change. Oui, ça donc voilà, fatalement, tout ce qui est Army, je ne peux qu'aimer. Voilà, c'est un petit bout de bonheur, un petit bout d'homme, mais bon, c'est pas mal. Anglais, bien entendu. Alors le prochain, bah, c'est Jet Boy. Jet Boy, ben, c'est un groupe, on va dire, qui a une carrière, qui a eu une carrière éphémère. Et on va s'écouter Going Down, l'album ça s'appelle Off Your Rocker European. C'est bien entendu des extraits de concerts de Jet Boy, car Jet Boy fut, n'est plus. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais à Jet Boy, donc tout à l'heure, on en parlait justement des années un peu décadentes, des années 80, hein, de la scène glam sleaze de métal. Ben voilà, un groupe qui a été éphémère. Ils ont eu quelques enregistrements durs à faire et ce groupe a tout simplement splitté. Pourquoi ? Parce que il sniffait plus de poudre que de composer. L'album était pratiquement prêt à enregistrer. Que ben, tout le pognon est parti aussi là-dedans quoi. Voilà, c'était les Jet Boy avec Going Down. Encore deux titres. Alors on va s'écouter Flooded avec le dit Dying to Live et après on se retrouvera pour vous dire au revoir et vous retrouverez les Midnight Monkeys Radio Show. Voilà. We'll be right back. Voilà, donc c'était le titre Dying to Live. L'album s'appelle Flowred et le groupe s'appelle tout simplement Flowred aussi. Alors les loulous, nous on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, oui oui. Voilà, pour une nouvelle émission. Avec, émission découverte. Encore découverte. Et la semaine d'après, donc dans deux semaines, on commence la haute du Père Noël. Et là, je peux vous dire qu'il y a du lourd à gagner. Il y a du lourd à gagner. Voilà. La grille n'est pas encore préparée, on va commencer à la préparer tout doucement. Mais il y aura un CD, un voire deux même, pratiquement tout le temps à gagner. Quoi. Voilà. Okay. Ah bah, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Et Slasher. Oui, oui, normalement dans deux semaines. Dans deux semaines. Allez, on se quitte avec Coexistence, avec Temple Oblivion. L'album s'appelle Everything Star Scar. Et on va vous laisser avec les Midnight Monkeys Radio Show. Ciao. Merci. Ciao, les... ici, ciao les amis. Restez bien branchés sur RQC 95 FM. Young girl.